Les pas de juger, dans le fond t'es le seul à savoir qui t'es. On s'habitue à l'étiquette du jeune équipé qui traîne. Trait pour trait, casquette Louis, barrette dansant. 22 piges, je marche en silence, je suis pas là pour parler de mensonges. Je fais mes erreurs quand j'ai cru être dans ma matrice. Je fais le player, fais pleurer la meilleure en rendant ma matrice, maman. Ce qui me gêne, c'est le manque de peste pour ton confort. Enfin, que c'est le taf qui te rend fort. Force, c'est ça qui te rend folle. On se renferme sur nous-mêmes quand la différence parle. Si l'erreur est humaine, mon orgueil est une lance bas. Ici on se bat, je fous des toits, je te fous des droits. Quoi, vous voulez quoi, je suis broliqué, je veux de l'or au bout des doigts. Et tous ces regards, je me laisse pas faire maintenant que j'assure un truc. 10 ans plus tard, c'est le même cocktail de rage que je lâche sur instru. Comment pousser droit, hanter, dramer la ventre, aider la porte, on la ramé maintenant, on va cramer la langue. Ça me dérange, ça me dérange. Le manque de pèse, le manque de d'accorder pèse. Ma confiance quand tout le monde te baise. Quand tout le monde te baise. Y'a rien qui te dérange, pas de regret, rien à cacher. Y'a rien qui te fait honte, frère, rien pour te fâcher. Ok, tu bouffes dans ta télé, ou passe tes gosses affamés. Affalé sur ton canapé, ça te fait même plus t'alarmer. Une pensée aux déserteurs, zéro pointé aux armées. Regarde ce monde avec le cœur, dis-moi ce qu'il a de parfait. La dernière fleur est morte sous une dalle de ciment. La terre, mère de l'homme, tuée par son fiston. Le sexe, le pouvoir et les pépites d'or. On vite fait nous voir avancer vers le nord. Si tu méprises les autres, c'est que tu connais pas la chance que t'as. Un slip, une chemise, un appart, tu connais pas la chance que t'as. Y'a déjà assez de quoi se plaindre, certains s'inventent la misère. Les politiques sont sans frein pour une fois rentrer leur mère. Si tu trouves ce monde normal, c'est qu'on t'a greffé des œillères. On joue les sourds, les aveugles, c'est de l'amnésie meurtrière. Tu critiques mon rap en disant que tu munis du pire talent. Mais toi tu fais pas mieux car t'as pas su tenir ta langue. Y'a plus de gaffillage, ça me saoule mais je me demande pas qu'est-ce qui m'attend. Y'a trop de gaspillage, les valeurs ne sont pas équivalentes. Équivalent. Un putain de lâche qui aiguise la lame pour planter des couteaux dans le dos. Vas-y, je me dois de sonner l'alarme, tu niques tes frères. Et ça t'étonne d'avoir une vie foutue, tu nies les faits. La trahison, je vois qu'elle t'a vite soutenu. Le son me guide, il m'accompagne. Mais pas pour faire des sous-vêtements, n'imagine pas une seule seconde qui baissera vite ses sous-vêtements. Je suis sous traitement depuis que le rap m'a ensorcelé. Balance une putain de drogue si tu veux pas le voir encore pleurer. Pas d'avocat, il avance seul, mais tire la gueule face à nos lois. Sans lui, j'ai le seum, je regretterai pas de lui avoir mis la bague au doigt. Le son me laisse en père armant, il gère mon tempérament. Essaye de m'interdire le faire, et là d'un coup, tempérament. Ouais ouais, yeah. Apophis, Cochrane, effet néfaste. BNC 26 ans 6 briques à la prod.